Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, Jeanne revient, épisode 4, Parricide, la sortie. Une série proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir. Avec Jeanne revient, nous vous proposons une série de 4 épisodes, voici le 4e et dernier. 4 fictions qui nous racontent, de la fin des années 60 à aujourd'hui, l'histoire du Front National et de la famille Le Pen, à moins que ce ne soit l'histoire de la famille Le Pen et du Front National, peu importe, les deux sont totalement imbriqués. Le résumé de cette série donc. Et l'Académie ne me sera reconnaissante de ne pas dire pitch. Les productions Maglan se lancent dans un film consacré à la saga familiale Le Pen. Mais une question se pose d'emblée à nos personnages. Faut-il en faire un documentaire ou une fiction de cette histoire vraie? Ah, pas simple. Toujours est-il que le tournage tourne au naufrage, les tensions sont trop fortes, mais l'occasion est belle, trop belle, immanquable même, de replonger dans près d'un demi-siècle l'histoire du Front National, en soulignant ce mélange si particulier des liens politiques et familiaux, ces années de provocation, de guerre des clans, de trahison à travers les 3 générations de dirigeants, Jean-Marie, Marine et ses sœurs, Yann et Marie-Caroline, et puis Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui Marion Maréchal tout court. Au noyau dur, et pour compléter la galerie des portraits, viennent s'ajouter les conjoints respectifs et les indispensables sacrifiés, les numéros 2. Il ne fait pas bon être numéro 2 au Front National. Voilà pour la distribution. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule donc « Parricide, la sortie ». Après les trahisons, les évictions de prétendants, les reprises de pouvoir, les disputes et les haines internes, il est temps de faire peau neuve et de procéder au grand coup de balai. Jean-Marie Le Pen est donc viré, et viré par sa propre fille, comme un bleu, par Marine, qu'il avait pourtant lui-même installé à la tête du parti. Voilà, nous nous retrouverons après la fiction avec notre invité Renaud Dely, journaliste, éditorialiste politique dans la matinale de France Info à 8h30 aux côtés de Marc Fauvel. Il est également le présentateur du magazine 28 minutes le samedi sur Arte. Il est aussi co-auteur de La République des traîtres de 1958 à nos jours, ouvrage dirigé par Jean Garrigue et paru aux éditions Talentier. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce qu'encore une fois, le jour où les gens vont mettre le bulletin dans l'urne, ils vont se dire quand même, le soir du débat, elle n'était pas terrible, Marine Le Pen. Non, mais il s'est passé rien de tout ça. Il s'est passé que nous étions en fin de campagne, que nous n'avions pas peut-être l'expérience d'un second tour à la présidentielle. En tout cas, si nous avions l'expérience d'un second tour, en 2002, nous n'avions pas l'expérience d'un débat, puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de débat. Vous vous en souvenez, entre ouais. Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Mais avec un peu de recul, moi, sur la forme, je peux tout entendre. Mais objectivement, sur le fond, tout ce que j'ai pu dire pendant ces 3 heures de débat, mais c'est révélé parfaitement exact. Jeanne revient. De François Perrache. Réalisation, Cédric Ossir. 4e épisode. Parricide, la sortie. C'est pas vrai! Non mais c'est une blague! Benjamin! Benjamin, dans mon bureau, immédiatement! Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, il m'aura tout fait, mais tout! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu gueules, maman? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces rushs que tu m'as envoyé? Ah, mais c'est ce que je t'ai envoyé dans le mail. Faut revoir un peu le montage, hein, mais c'est la reconstitution qu'on a tournée hier d'une interview que Marine Le Pen a donnée à Tiens... Je m'en fous, d'Ardisson! Mais elle! Hein? C'est quoi, enfin, lui? Il s'est passé rien de tout ça. Ça, là. Il s'est passé que hein? Nous étions... C'est quoi, en cette idée-là? Hein? Faire jouer Marine par Jean-Marie. L'expérience d'un second tour à la présidentielle. En tout cas, si nous avions eu l'expérience d'un second tour... J'avais pensé... On avait pensé... Tais-toi, Benjamin, mais tais-toi! Il n'y avait pas eu de débat, vous vous en souvenez, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Ariane et M. Pouligor, je trouvais ça très bien. Je ne veux plus t'entendre. Tu vas me trouver une comédienne, une vraie comédienne, qui jouera Marine. Mais maman... Écoute, je te donne jusqu'à ce soir. Parce qu'on va pas, en plus, décaler tout le plan de tournage à cause de tes idées merdiques de réalisateur merdique. Mais maman, mon chéri, je peux pas trouver une comédienne en 3 heures qui ressemble à Marine Le Pen, en plus. Tu te démerdes. On va pas foutre une perruque et des boucles d'oreilles à Jean-Marie. Et d'ailleurs, il a pas une fille? Qui? Des racistes, des homophobes, des antisémites. Tu te rends compte, papa, de ce que tu me proposes? Non, mais... T'as plus aucune éthique ou quoi? Tu fais ce que tu veux. De toute façon, t'as toujours fait des choix de carrière foireux. Si tu veux jouer le père Le Pen, c'est ton problème. Mais jamais, tu m'entends, jamais tu me feras jouer Marine Le Pen. En plus, je suis pas montée sur les planches depuis 25 ans. Mais là, c'est pas du théâtre, ma chérie, c'est un tournage. On pourra refaire autant de prises qu'on veut. Ils n'attendent que toi. En plus, je me souviens, tu étais hyper douée, hein. Le métier d'actrice, t'as ça dans le sang, comme ton père. J'avais 15 ans, papa, 15 ans. C'était un atelier amateur de ma prof de français, je jouais un épouvantail. Tu étais magnifique. S'il te plaît, ma chérie, je te le demande comme un service, réfléchis. Tu serais formidable en Marine Le Pen. On a des très belles scènes d'engueulade et de réconciliation à jouer ensemble. Et en plus, tu lui ressembles physiquement. Papa... Tu me redis encore une fois que je ressemble à Marine Le Pen et je te jure que t'entends plus jamais parler de moi. Oh, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que t'as de très beaux yeux bleus comme elle, tu es blonde... Arrête, tu t'enfonces. C'est non, papa, non. Je suis devenue expert comptable, je vais pas poser des RTT au boulot pour jouer Marine Le Pen avec mon père, sous prétexte que je lui ressemble vaguement. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait été l'occasion de passer un peu de temps ensemble. En plus, c'était très bien payé. Allô? Allô, ma chérie? Oui. Et ce film-là, comment t'as dit que ça s'appelait? Karl! Au secours! François Aussire, Cédric Perrache et les productions Maglan présentent Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. Bientôt sur vos écrans. Est-ce que cette polémique, ce conflit, n'est pas en train de casser la dynamique du Front National? Ben non, c'est... C'est-à-dire qu'on ne peut... D'abord, il y a la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Bon, au milieu de ce plat de nouilles de gens qui nous gouvernent, c'est quand même une figure. C'est ça le vrai problème, c'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est un boulet pour le Front National. Mais écoutez, oui, il nous emmerde, bien sûr, oui, ça vous a échappé? J'ai tenu à participer au 28e défilé de Jeanne d'Arc, dont j'ai été le créateur et le fidèle organisateur le 1er mai, fête du travail et de la patrie. Présent à ce bureau politique dont je suis statutairement membre, en revanche, je ne répondrai pas à la convocation devant le bureau exécutif siégeant en formation disciplinaire. Avant même que je puisse répondre, le vice-président Philippot a déclaré que la rupture était totale et définitive. Et son directeur de cabinet, il faut qu'il parte. Il est clair qu'il a été procédé à des recrutements massifs de collaborateurs dont l'une des caractéristiques communes, c'est de vouloir faire table rase du passé en remplaçant les vieux cons par les jeunes trous du cul. Arrête, papa, arrête! Arrête avec tes provocations. La vérité, c'est que tu ne supportes pas que je fasse plus de voix que toi. On en est là à cause de ton ego surdimensionné. Non, à cause de ta paranoïa. La vérité, Marine, c'est que tu ne supportes plus que j'existe. Et pourquoi est-ce que je devrais me comporter en fille quand tu ne te comportes plus en père? À ce stade, c'est toi ou moi. Si je ne me sentais pas assez forte pour supporter ce dilemme, je n'aurais pas accepté de prendre la direction du Front National. La violence, l'ingratitude, les coups durs et l'exposition, j'y étais préparée. Tout simplement parce que j'ai une formation continue à tes côtés pendant des années. Coupé! Et c'est coupé. Bravo, c'était super. Ah oui, vous êtes formidables tous les deux. On y croit vraiment à la haine père-fille. Ah ouais, et dans Marine, t'es incroyable. On croirait jamais que c'est pas ton métier. Eh oui, ma chérie, je suis épatée. C'est ma fille, hein. Merci, merci beaucoup. En fait, ça me fait plaisir de jouer un peu. Mais ils ont vraiment dit ça. Là, bon, on a fait une petite compilation, mais ouais, toute la scène qu'on vient de tourner, c'est que des extraits de discours ou d'interviews à la presse qu'ils ont donnés autour du 1er mai 2015, quand Jean-Marie a été exclu du parti. Et encore, on a fait soft dans la sélection. À cette période, les échanges père-fille ont été hyper violents. Encore pire que quand Marie-Caroline s'est barrée avec les maigrettistes en 98. Là, tout à l'heure, j'ai réécouté une interview de Le Pen sur Europe 1, juste après son éviction par Marine. C'est d'une violence. Tu l'as, là ? S'il y a du réseau, ouais. Et avec mon téléphone, tu veux réécouter ? Évidemment. Ok. Attends. Je vous préviens, c'est court, mais c'est trash. Hein. Il y a même la petite pique homophobe en passant. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous êtes depuis hier soir suspendu de votre statut d'adhérent. En clair, vous n'êtes plus adhérent du parti que vous avez fondé en 1972. Quelle est votre réaction ? Écoutez, je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte de... que le président, la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Donc vous souhaitez qu'elle n'utilise plus votre nom pour faire de la politique aujourd'hui ? Sous le nom de Marine Alliot ou Marine Philippot. Je ne sais pas, peut-être voilà, ça marchera mieux. Puisqu'elle traite son père et le président fondateur du Front National absolument d'une façon scandaleuse. Ça veut dire que ce matin, vous répudiez votre fille, Jean-Marie Le Pen ? Tout à fait. Je ne reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit d'une manière aussi scandaleuse. Ça veut dire que les ponts sont définitivement coupés ? Oh, définitivement, on ne sait jamais, c'est la mort qui coupe les ponts. Quand même, c'est pas sympa de l'avoir exclu. C'est son parti, c'est lui qui l'a fondé. Il l'a un peu cherché. Franchement, je pense que Marine a tout fait pour apaiser les choses avec son père, mais il multipliait les provocations. La fournée avec Bruel, c'est à peu près à ce moment-là, non ? Alors, la fournée, c'était un an avant d'être exclu, en juin 2014. 15 jours avant, Marine était arrivée en tête des Européennes avec 25% des voix. Ouais. Comme par hasard, il fait sa sortie antisémite en plein succès pour sa fille. Et en plus, crime suprême de lèse-majesté... Pour ces élections européennes, Marine avait tenté de changer une première fois le nom du parti en Rassemblement Bleu Marine. De ce point de vue, ça a été un échec. C'était encore un peu tôt pour tuer le père. Succès électoral de Marine et bim, réaction du père. La grosse saloperie antisémite sur Bruel dans le bloc vidéo qu'il tenait sur le site du FN. Alors, c'était la sortie de trop. Et c'est à ce moment-là que Marine a quitté Montretout et qu'elle a pris la première sanction contre son père. Elle lui a supprimé son blog. Ça fait un peu mise sous tutelle. Comme quand j'ai dû cacher les clés de voiture de ma grand-mère. J'étais pas fière, mais franchement, elle devenait trop dangereuse. Qu'est-ce qu'elle m'en a voulu ? Jean-Marie aussi, il a mal réagi. Il a carrément publié une lettre ouverte dans la presse où il s'adresse à Madame la Présidente du Front National. Après ça, Le Pen a multiplié les coups d'éclat pour continuer d'exister et Marine a géré au coup par coup. Je me souviens de la fournée, mais pas des autres trucs qu'il a dit. Ah bah si, par exemple, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. En janvier 2015. Il publie sur Twitter une photo de sa fille avec marqué « Keep calm and vote Le Pen ». Ignoble. Lui, il appelle ça de l'humour. Dans les jours qui ont suivi, ça a tangué avec Marine. Et avec Philippot, qui est monté en première ligne contre le patriarche. Mais c'est aussi au moment de Charlie Hebdo que Jean-Marie a commencé à se réconcilier avec Marie-Caroline, qui a pris discrètement la défense de son père, contre Marine, toujours sur Twitter. Mais bon, comme toujours, c'est compliqué chez les Le Pen. 3 mois plus tard, toujours sur Twitter, Marie-Caroline apportera son soutien à Marine pour les élections régionales. Ah. Allez savoir ce qu'elles se sont racontées. C'est vraiment une saloperie, ces réseaux sociaux. C'est sûr que c'est pas le moyen idéal pour régler des conflits politico-familiaux vieux de 20 ans, a fortiori quand on est des personnalités publiques. 3 mois après Charlie Hebdo, début avril 2015, rebelote. Le Pen donne une interview chez Bourdin. Ah, toujours dans les bons coups, celui-là. C'est là où Le Pen dit qu'il maintient ses déclarations sur les chambres à gaz et le détail ? Ouais, et c'est pas fini. Une semaine plus tard, rebelote, interview d'Henri Varol. Il a dit quoi ? Oh, je sais plus exactement, encore une horreur sur les Chinois, je crois, cette fois. Et un petit hommage en passant au maréchal Pétain. Et bizarrement, ça passe mal. Ça, Pétain en France, ça porte plus trop bonheur comme référence. Pour Philippot, c'est l'interview de trop. Il pousse à lancer la procédure d'exclusion, on connaît la suite. Manifestation du 1er mai 2015, Jean-Marie s'impose à la tribune pendant le discours de sa fille. Il dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue de la pucelle en hurlant « Jeanne, au secours !» Ah, au fait, quand est-ce qu'on la tourne, la scène où je redescends sur Terre ? Je suis dessus. De quelle scène elle parle ? Laisse, je t'expliquerai. Bref, 3 jours après Jeanne au secours, bureau politique du FN, Le Pen est définitivement exclu. Je vous épargne les suites judiciaires pendant des mois pour garder ou pas garder le titre de président d'honneur, etc., etc. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où Marine a pris la présidence du FN, son père n'a plus arrêté de lui mettre des bâtons dans les roues. Et quand est-ce qu'elle est devenue présidente, déjà ? Janvier 2011. Elle gagne avec 2/3 des voix contre Gollnisch, qui se considérait pourtant comme le dauphin. Mais Jean-Marie a toujours préféré sa famille, toujours ! Gollnisch, il est définitivement écarté en 2011. Mais dès 2008, Le Pen l'avait enterré en une phrase. Le destin des dauphins, c'est parfois de s'échouer. C'était fini, Gollnisch était mort. Et il subira le même sort que Maigret avant lui. Et Philippot après lui. Ah bon, celui-là, Le Pen le détestait, vraiment. Un énarque qui lui rappelait Maigret, homo qui plus est, qui pousse au changement de nom et à la dédiabolisation. Pour le père, c'était trop. Philippot, c'était Maigret, empire. Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs Maigret après le FN ? Il a monté le MNR, non ? Ouais. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Au moment de la scission en 98, le MNR de Maigret a obtenu 3% des voix. Pas assez pour avoir un député pendant que le FN continue à dépasser les 15%. Le Pen tenait sa vengeance. Et après, ça a été 10 ans de descente aux enfers pour Maigret. Il a fini par se retirer de la vie politique en 2008. Il est parti bosser en Australie pour le groupe Bouygues. Une carrière au béton. Et je me souviens d'une interview où il disait, au bout d'un moment, quand vous n'avez plus d'électeurs, plus d'argent, plus de médias, eh bien, il faut en tirer les conclusions. Il était assez lucide, finalement. Et il a été assez visionnaire sur la stratégie de rapprochement des droites pour conquérir le pouvoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est la stratégie de Marion. Non, Marion Maréchal Le Pen, c'est encore une autre histoire que Maigret, qui ne pense pas exactement comme Philippot, qui n'est pas exactement sur la ligne de Marine. 50 nuances de brun. Et puis, visionnaire pour Maigret, je suis vraiment pas sûr. Sa dernière grosse intervention politique publique, c'était pendant la présidentielle de 2017. Maigret a apporté son soutien à... François Fillon. Pauvre Bruno, encore un génie incompris. Comme tous les numéros 2 du FN, c'est eux qui font le boulot, mais ils finissent toujours par se faire briser par la famille Le Pen. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. En effet, Marine Le Pen vous a retiré vos délégations. Vous êtes aujourd'hui vice-président sans attribution, vice-président virtuel. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez rester au Front National ? Oui, on m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, bien sûr, je quitte le Front National. Je trouve désastreux qu'on abandonne le nom de Front National car c'est un repère inimitable et incontournable. Ça n'apporte rien de nouveau, mais le fait que ça ne s'appelle plus Front National, c'est un véritable assassinat politique. Marine Le Pen a manqué d'imagination, semble-t-il, parce que Rassemblement National, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, en effet, puisque je l'ai déjà utilisé 2 fois. Oui ? Te dérange ? Non, entre ma chérie, entre. Ça va, tout va bien ? Oui, oui. C'était bien notre scène d'engueulade tout à l'heure, non ? Ouais, on était bien ensemble, c'était chouette. Ouais. Et vous tournez quoi après ? Je suis dessus ? Non, juste moi. On fait la reconstitution d'une interview de Jean-Marie. Bah, quand t'as changé le nom du parti. Il est pas tendre avec sa fille. Je te dérange en fait, t'étais en train de bosser, non ? Non, je crois qu'ils sont en train de finir les réglages lumière, donc... J'en profitais juste pour revoir un peu mon texte. J'attendais, là, sur ma chaise. Mais tu connais la situation de jouer. L'important, au cinéma, ce n'est pas d'avoir un rôle. C'est de trouver une chaise. Tu me la racontes depuis que j'ai 5 ans. Ah, désolé. Non, j'aime bien. Tu veux que je te fasse répéter ? Non, merci, ça devrait aller. Il n'y a que quelques phrases. Moi, par contre, je galère à mort sur la scène du congrès de Tours. Oh, on la tourne demain matin. C'est quelle scène, ça ? Janvier 2011, quand je deviens président du FN et que tu deviens président d'honneur. Ah oui. Bah, tiens, d'ailleurs, Darius m'a raconté un truc marrant. À l'âge de 20 ans, Le Pen avait été élu président de la Corpo, l'association corporative de sa fac de droit. Et 4 ans plus tard, il perd la présidence de l'association pour devenir président d'honneur. Pauvre vieux, il a vécu 2 fois le même truc, à 60 ans d'intervalle. Il a peut-être pensé en 2011 en écoutant le discours de sa fille. Et tu galères pourquoi ? Les textes, ça rentre pas, ou mal. Benjamin veut absolument que j'apprenne le discours par cœur, alors qu'on pourrait filmer ça avec un prompteur. Non mais pourquoi pas avec une oreillette ? Non, hey, ne fais pas honte ma fille. Hein. Fais ton boulot de comédienne, apprends ton texte. C'est quelle séquence ? On va faire une italienne. Ah, mais c'est bon papa. C'est quelle séquence ? Quelle page ? Quelle séquence ? 122. Alors, 122, A. 122, intérieur jour, congrès de Tours, du 16 janvier 2011. Marine, seule à la tribune, fait son discours d'investiture. Mais je t'écoute. Jamais peut-être une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ce flambeau. Ah oui, ce flambeau, celui du Front National, si magnifique et si prestigieux à mes yeux de militante, que je reçois de surcroît des mains de Jean-Marie Le Pen, longtemps, il n'a été qu'une petite flamme, qu'avec quelques compagnons unis par un incroyable courage et un amour immodéré de la France, le président fondateur a tenu entre ses mains pour lui éviter de s'éteindre. Dans sa fonction de président d'honneur, son irremplaçable expérience, comme sa sereine autorité et la rectitude de sa pensée seront pour moi, un appui déterminant. J'ai été pendant 42 ans le témoin privilégié de ce combat. J'ai vu. J'ai vu la droiture, la noblesse d'âme, la persévérance, la vision et parfois la bravoure avec laquelle il a assumé la direction du Front National, toute qualité qui permettent aujourd'hui d'affirmer qu'il s'est incontestablement hissé à la hauteur de l'histoire. Comme fille, j'ai vu aussi sous la carapace du chef les blessures causées par l'injustice du traitement fait à notre mouvement, à nos militants et si souvent à lui-même. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Oui. Bonjour. Je vous dérange ? Non, jamais. Comment allez-vous ? Bien, je vous remercie. Mais c'est à vous que je devrais poser la question. Ça avance, ce film ? Oh, pas sûr qu'on n'arrive jamais à le sortir. Mais je crois que j'ai dit ça pour chacun des films qu'on a produits. J'avoue que tout ça me fatigue un peu. Il est temps que je passe la main. En tout cas, si ça peut vous être utile, j'ai retrouvé un petit film qui a été tourné pendant la fête pour les 90 ans du président. Ah oui ? Et vous y étiez ? C'était à Montretout ? Non, ils ont fait ça chez lui, à Rueil-Malmaison. Oui, j'y étais à titre amical. Il y avait beaucoup de monde autour du président. Et surtout, c'était la première fois depuis 20 ans qu'il réunissait ses 3 filles autour de lui pour son anniversaire. Je crois qu'il était très heureux. Il a fait, comme souvent, un petit discours qu'un ami a filmé et je voulais retrouver. Le président dit notamment une phrase qui résume bien son état d'esprit, je crois. C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez de quoi noter ? Oui. Voilà, dites-moi. Il termine son discours en disant « Je suis à l'âge où on se rend compte que la vie est brève. Cela rend plus nécessaire et plus sensible les liens d'amitié et d'affection qui nous ont unis pendant longtemps. » Alors, je suis à l'âge où l'on se rend compte que la vie est brève, cela rend plus nécessaire et plus sensible les liens d'amitié et d'affection qui nous ont unis pendant longtemps. C'est tout ? Oui, mais c'est déjà beaucoup, vous savez. Personne n'avait jamais entendu le président s'épancher autant. Je vous sens un peu déçu, j'en suis désolé. Non, merci beaucoup, Nestor. C'est très gentil d'avoir appelé. J'ai bien noté. En tout cas, je pense qu'on fera au moins une reconstitution de la photo historique des 90 ans de Le Pen entourée de ses trois filles. D'ailleurs, c'est moi qui ai pris la photo avec le téléphone de Marine. Ah. Je peux vous poser une question, Nestor? Je vous en prie. Pourquoi avez-vous accepté de nous raconter tout cela? Je repensais à ce que vous me disiez sur l'onomastique, la signification des noms propres. Je me souviens que j'avais lu que Le Pen voulait dire la pointe, le chef en breton. Vous pensez que ça pourrait expliquer son autoritarisme, son côté clanique ? Peut-être. C'est sûr qu'un nom ou un prénom peut influencer une personnalité. Sur les prénoms, il y a des déterminismes sociaux évidents. C'est pas la même chose de s'appeler Kevin ou Jean-Charles. Mais il y a aussi des incidences plus subtiles. Par exemple, il y a probablement beaucoup d'hommes politiques français qui se sont imaginés un destin national parce qu'ils s'appelaient François. Et qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête du petit Emmanuel quand il a appris que son prénom signifiait « Dieu est avec nous » ? C'est sans doute pas rien dans ce pays, quand on veut être élu, de s'appeler Royal, par exemple. Et dans le même registre, De Gaulle, même avec deux L. C'est pas mal pour incarner la France. Forcément, les noms exercent leur influence. Alors, Le Pen, le chef, oui, peut-être que ça a joué. Moi, j'aurais une autre théorie, c'est que Le Pen, ça évoque d'abord le pénis. Bah oui. D'ailleurs, le jeu de mots apparaît souvent sur les affiches. Derrière le nom Le Pen, on a souvent des tags, Le Pen cul, le pénis. Évidemment, plus souvent pour Jean-Marie que pour Marine. Quoique d'ailleurs... Et ce calembour Le Pen, le pénis, ça pourrait expliquer le goût si particulier à Le Pen pour le calembour. Parce que tous les politiques aiment faire des bons mots, c'est une arme redoutable en politique. Mais il existe des tas de formes possibles pour jouer avec les mots. Le Pen, lui, il utilise d'abord et avant tout le calembour. Du rafour et du moulin, du rafour crématoire... Napoléon, le poupouch... Ma théorie... Ce serait que Le Pen multiplie les calembours pour faire diversion, pour éviter que quelqu'un ne sorte avant lui le calembour, celui qu'il ne veut absolument pas entendre, celui sur son nom. Et puis il y a aussi une autre étymologie pour Le Pen, qu'il met moins en avant évidemment, c'est que son nom pourrait plutôt venir d'une racine plus ancienne, le péen ou le païen, qui se réfère à l'adjectif païen. Eh oui, ça fait tâche, hein. Le candidat des catholiques qui s'appelle le païen... qui divorce, qui ne porte pas son prénom de baptême, Marine non plus d'ailleurs. Ah bon ? Non, Jean-Marie n'est pas Jean-Marie, et Marine n'est pas Marine. À l'état civil, Marine Le Pen s'appelle Marion Anne Perrine. Ah bon ? Marine s'appelle Marion, comme sa nièce. Non, c'est plutôt l'inverse, disons que Marion porte le même prénom de baptême que sa tante. Marion s'appelle aussi Caroline, comme son autre tante. Ah ça, je savais. Caroline comme Marie-Caroline. Oui, les trois sœurs Le Pen étaient très proches, à tel point que pendant les deux premières années de sa vie, la petite Marion a été élevée par sa mère Yann et par sa tante Marine. Comment ça se fait ? Il était où pendant ce temps-là, Samuel Maréchal ? Ah, mais Yann Le Pen n'a rencontré Samuel Maréchal que deux ans après la naissance de la petite. Il n'est pas son père biologique. Mais il l'a reconnu, et Marion le considère évidemment comme son père, c'est son père. Et elle devient Marion Maréchal Le Pen. Oui, et remarquez que le nom de son père passe pour la première fois devant le nom Le Pen. C'est la première étape vers l'autonomie. Non, le problème des Le Pen, le drame des Le Pen, c'est la notoriété. L'étalage sur la place publique, c'est la maladie de l'époque. Hein. De ce point de vue, la famille Le Pen est très emblématique de son temps. Parce qu'on a tous des histoires familiales compliquées, mais chez les Le Pen... Toutes ces histoires qui auraient dû rester intimes se sont retrouvées sur la place publique. Et elles ont en partie déterminé la formation des clans et des parcours politiques des uns et des autres. Et on peut comprendre que certains aient voulu se libérer de cet imbroglio familial. Oui, et quand Marion voudra vraiment prendre son autonomie politique et personnelle, elle fera ce que personne avant elle n'avait osé faire dans la famille. Elle supprime le nom de Le Pen. En mai 2018, sur les réseaux sociaux, elle devient Marion Maréchal tout court. C'est tout bénef pour elle. Elle se débarrasse du patronyme Le Pen, mais elle garde son nom, qui sonne bien aux oreilles des sympathisants d'extrême droite. Maréchal, oui. Encore un joli signifiant. Hein. On peut dire que Marion, elle a tué le père. Le grand-père, en l'occurrence. ce qui ne l'empêche pas de l'aimer profondément sans doute. Je ne parle que de ce qu'elle a voulu mettre en avant publiquement. Elle a affirmé qu'elle s'était affranchie de Jean-Marie Le Pen et de Marine et de tous les autres. Ce ne sera peut-être pas suffisant, mais c'était la condition d'autonomie. Elle s'est fait un prénom, comme on dit. Et sans rompre complètement avec ses origines. C'est malin. D'ailleurs, le deuxième prénom de Marion, c'est Jeanne. Ah bon ? Je ne savais pas. Mais oui, Marion, Jeanne, Caroline. Jeanne entre les prénoms de ses deux tantes. Encore une manière de rester ancrée dans la culture familiale. Pourquoi vous riez ? Parce que c'est sans fin, cette histoire. Un éternel recommencement. Vous savez comment se prénomme la fille aînée de Marie ? C'était Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. De François Perrache. Quatrième épisode. Avec Christine Gagneux, Éric Berger, Elios Noël, Clémentine Verdier, Gabriel Ledoz, Philippe Duquesne, Olivia Côte, Élise Caron et Jean-Claude Bolreda. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmonts, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossir. Call affaire sensible, la fiction. Ça fait maintenant quelques semaines, même si ce n'est que plusieurs mois, que j'ai bien réfléchi à quitter la vie politique française. C'est vrai que déjà, il y a des raisons personnelles, puisque je suis chargée d'âme, j'ai une petite fille dont j'ai été beaucoup privée ces dernières années. Et puis la deuxième chose, je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne m'en suis jamais cachée, c'est que j'évolue dans le monde politique depuis toujours, j'ai été élue très jeune, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour moi d'avoir une expérience autre que la politique, j'en ai envie, je crois que c'est nécessaire, et si un jour eh bien, je dois refaire de la politique, je suis convaincue que cette expérience-là, eh bien, je pourrais la mettre au service eh bien, des électeurs, des Français et de mon pays. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, quatrième épisode. Notre invité, Renaud Dely, journaliste, éditorialiste politique sur France Info, la matinale. Bonjour Renaud Dely. Bonjour Fabrice. Nous sommes ravis de vous avoir ici à France Inter. D'abord parce que vous êtes passé par France Inter et maintenant vos talents s'exercent à France Info dans la matinale aux côtés de Marc Fauvel. Vous êtes également présentateur du magazine 28 minutes le samedi sur Arte et co-auteur du livre La République des traîtres de 1958 à nos jours. Ouvrage dirigé par Jean Garrigue et paru aux éditions Talendier. Alors, tout à l'heure, on a entendu une archive, c'était un extrait tiré d'un entretien exclusif sur TV Liberté le 10 mai 2017. Marion Maréchal Le Pen, elle s'appelait comme ça à l'époque, expliquait qu'elle partait, qu'elle quittait la politique, mais qu'elle la quittait pas vraiment, et puis qu'elle reviendrait, alors on sait pas exactement comment. Mais enfin, ça reste dans la sphère Le Pen, on se transmet le flambeau, un héritage politique au sein d'une famille, c'est le népotisme officiel. Soit dit au passage, c'est pas très républicain, ça. C'est unique, c'est effectivement toléré au Front National, et si un autre parti politique fonctionnait de la même façon, ça ferait probablement scandale et on en ferait des gorges chaudes. Dans l'occurrence, depuis la création du Front National en 1972, la marque Le Pen et la marque Front National ne font qu'un, et le fait est que ce parti est une PME familiale que Jean-Marie Le Pen a toujours voulu plus ou moins chercher à transmettre à ses héritières. Et ce parti a donc fini par tomber dans l'escarcelle de Marine Le Pen, parce que les deux autres sœurs, d'ailleurs, pour des raisons diverses, n'étaient pas intéressées, si j'ose dire, par l'héritage politique. Et puis parce qu'il y a eu déjà un premier clash, une première rupture avec la sœur aînée, Marie-Caroline Le Pen, qui avait suivi un félon, comme dit Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un lieutenant de Bruno Maigret il y a 20 ans au moment de la scission. Et donc Marine Le Pen a hérité du parti, en partie, si j'ose dire, malgré elle. C'est-à-dire que la politique s'est imposée à elle. Dans la famille Le Pen, la politique, elle s'impose dès lors qu'on est l'une des filles de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, on grandit au lait, on est nourri au lait de la politique dès son plus jeune âge, parce que Jean-Marie Le Pen ramenait toujours la politique à la maison, et a fortiori à Montretout, dans ce manoir de Montretout où s'est installée la famille dans les années 70, eh bien, la politique était partout, tout le temps, et la vie publique, la vie politique et la vie familiale, la vie privée, se mêlaient toujours étroitement, il n'y avait pas de frontières. Donc Marine Le Pen est tombée naturellement, presque malgré elle, toute petite, un peu comme Obélix, dans la marmite de la politique. Et ensuite, Jean-Marie Le Pen, comme il voulait faire perdurer cette marque, et cette marque Le Pen au-delà de la marque du Front National, a tout fait pour lui transmettre le parti, ce qui a été le cas finalement en 2011. Bien voilà, une saga bien résumée. Alors vous avez noté notre titre, hein, la fiction d'aujourd'hui, « Parricide, la sortie ». C'est vrai que ça tient plus du vaudeville que d'une véritable tragédie. Revenons avec vous sur ce moment où Jean-Marie Le Pen, exclu du FN, répudie sa propre fille. Il y a une grande impudeur là-dedans, mais il y a des enjeux importants, à la fois familiaux et de politique nationale. On lave toujours son linge sale, non pas en famille, mais en public chez Le Pen. Le linge sale familial se lave en public. Ce fut le cas avec la sœur aînée Marie-Caroline en 98. C'est le cas avec la Benjamine, Marine, lors de la rupture entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen a tout fait pour lui transmettre le parti. Elle en hérite finalement officiellement en janvier 2011 au Congrès Tours. Et ensuite, Jean-Marie Le Pen devient président d'honneur du parti. Mais en fait, il semble lui-même regretter d'avoir transmis en quelque sorte son sceptre. Et donc les tensions vont commencer à s'accumuler. À mesure qu'il est relégué en coulisses, il ronge son frein. Il a envie d'être utile. Et puis surtout, il considère toujours que sa fille, en fait, n'est pas à la hauteur de la mission qu'il lui a transmise. Et donc, il va commencer à y mettre des bâtons dans les roues, à la critiquer, parfois la critiquer en public. La tension va monter peu à peu. Et puis, il va aussi multiplier ce qu'on appelle, dans le langage lepéniste, si j'ose dire, des dérapages, notamment des dérapages xénophobes ou antisémites. Alors, c'est pas foncièrement des dérapages, parce que ça correspond quand même aux convictions, au parcours et à la carrière politique de Jean-Marie Le Pen lui-même depuis des décennies. Mais il n'empêche que ces dérapages, ils vont commencer à devenir gênants pour Marine Le Pen dès lors qu'elle a l'ambition de tenter de repeindre la vitrine du Front National. Dédiaboliser. Voilà, dédiaboliser, c'est le fameux mot magique, pour en faire un parti fréquentable, un parti comme un autre. Dès lors, Jean-Marie Le Pen devient gênant. Il est décalé aussi. Et voilà, décalé, c'est le rappel de l'ancien monde, si j'ose dire, pour employer un vocabulaire macronien. Mais là, pour le coup, l'ancien monde est trop gênant et trop sulfureux. Et donc, les tensions vont s'accroître de 2011 à 2015 jusqu'à l'explosion finale où finalement, Marine Le Pen va décider, chose totalement stupéfiante d'un point de vue et politique, parce que c'est inédit, ça ne s'est jamais vu nulle part, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs, et chose stupéfiante aussi d'un point de vue intime, personnel, familial, elle va décider de virer son père, c'est-à-dire d'exclure de son propre parti celui qui a fondé ce parti-là une quarantaine d'années plus tôt. Est-ce que c'était vu avec le recul? Maintenant, c'est toujours plus facile, hein, il n'y a que le recul qui rend lucide. Est-ce que c'était une faute tactique de la part de Jean-Marie Le Pen que de transmettre l'héritage à sa fille et à cette fille-là? Alors cela dit, les deux autres, non, puisqu'elle, comme vous l'avez dit, elle ne s'était pas investie, intéressée pour être investie. Mais Marine Le Pen, est-ce que c'était une faute tactique? C'était peut-être une faute tactique, mais je crois que c'était inévitable d'un point de vue personnel, humain. C'est-à-dire que c'était peut-être un péché d'orgueil, parce que le souci, encore une fois, prioritaire et peut-être même unique de Jean-Marie Le Pen, c'est de faire perdurer la marque Le Pen. Il s'est jamais soucié, tout au long d'ailleurs des années où il dirigeait ce parti, de l'enracinement, de l'implantation électorale du parti, dans les collectivités locales, dans les mairies, dans les régions, etc. C'était quelque chose qui ne l'intéressait pas plus d'ailleurs que la conquête du pouvoir et l'exercice des responsabilités, que ce soit au niveau local ou au niveau national. L'objectif de Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été de faire fructifier la marque Le Pen, un peu comme une marque de cognac, un produit. Il utilise d'ailleurs lui-même souvent cette comparaison-là. Et donc, cette marque, pour la faire fructifier, il fallait la transmettre à l'une de ses filles. Donc, c'était d'abord une façon de satisfaire son propre orgueil que, finalement, de trouver une de ses filles, en l'occurrence Marine, à qui transmettre cette marque. Voilà, à partir de là, elle, évidemment, elle a voulu, et c'est humain, voler de ses propres ailes à un moment, et c'est là que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé à la fois désœuvré et aigri, au point d'ailleurs de récolter au sein du Front National à l'époque le méchant surnom de Papy Daniel, évidemment, inspiré du film d'Étienne Chatiliez, Tati Daniel. Exactement. Alors, il y a derrière tout cela, pas que lui, mais on sait que son rôle a été important, Florian Philippot. Alors, il entre dans la catégorie maudite des numéros 2, il finira comme un numéro 2, comme les autres, il ne le sait pas au départ, il se pense même assez fort, devenu très proche de Marine. C'est lui l'artisan du virage du FN, de sa dédiabolisation. Racontez-nous ce Florian Philippot, son arrivée, son ascension et sa chute. Florian Philippot, il rencontre Marine Le Pen à l'occasion d'un dîner organisé par Paul-Marie Couteau, qui est un essayiste souverainiste, proche du Front National, qui a toujours navigué entre eux, Philippe de Villiers, Charles Pasqua et donc Marine Le Pen. Il y a un dîner organisé. Florian Philippot est un jeune énarque, donc diplômé, ce qui est rare au sein du Front National, qui manque de cadres et qui manque de hauts fonctionnaires. Et lors de ce dîner, auquel participe aussi son frère Damien Philippot, qui lui est sondeur, eh bien, il y a un vrai coup de foudre entre Florian Philippot et Marine Le Pen. Là, on est en 2009. Et ce coup de foudre va se traduire tout de suite par une grande complicité, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur tout, ils se complètent les uns les autres. Et il faut comprendre aussi que Marine Le Pen, elle n'a pas, elle, la formation politique, la colonne vertébrale idéologique, le bagage idéologique, politique et culturelle aussi. D'ailleurs, on l'a vu lors du débat. Voilà, et que peut avoir son père. Donc, elle a toujours eu besoin d'un tuteur, d'un mentor, d'un gourou, en quelque sorte. Et d'un corpus politique intellectuel. Et d'un corpus, à la fois d'un corpus politique et puis d'une tactique. Et elle a besoin d'être rassurée. Voilà, elle a besoin d'une tactique, d'une stratégie. C'est quelqu'un qui, contrairement là aussi à son père, Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui doute beaucoup et qui doute beaucoup d'elle-même, qui n'est pas sûre d'elle-même. Là, Florian Philippot, il va remplir tous ces rôles-là en même temps, parce que lui, au contraire, il doute pas, il doute surtout pas de lui-même. Il est persuadé, d'avoir les compétences susceptibles de faire progresser le Front National, de faire progresser Marine Le Pen, et il va de lui-même un peu se pousser du col et s'imposer facilement comme le gourou et celui qui aussi à coup de sondages, de notes, de chiffres, de statistiques va essayer de professionnaliser et le Front National et Marine Le Pen. Et là, il va y avoir une vraie complicité, presque une vraie intimité intellectuelle, personnelle, amicale aussi, entre les deux, qui va durer de nombreuses années. Et comme d'habitude, au Front National, les histoires d'amour se terminent mal. On y revient dans 3 minutes. Aïe, papa, je me suis mise en quatre pour que dalle. J'ai rien fini, mais c'est normal, tu vois, vu que même toi, t'y croyais pas, papa. Paraît que je fais peur aux garçons, pourtant je fais bien attention, je crois. Faut croire que ça suffit pas. La la la la. J'en avais peur dessus le cœur, de poireauter pendant des heures en bas. Moi je n'étais pas la plus belle, je n'étais pas non plus de celle qu'on droit. Un sourire moins que ça. La la la. Si tu voyais quand je suis sale, quand j'en reveux, quand j'ai la dalle, c'est là que l'on ne me reconnaît pas, papa. Alors je garde ma douleur planquée dans un tas de couleurs, tu vois. Et puis des fois, ça suffit pas. La la la. J'aurais voulu que l'on se tienne et te faire entendre la mienne de voix. Tu sais, je ne suis pas cruelle, je ne suis pas non plus de celle, je crois, dans ton rêve, quand on est papa. La la la. Renaud Dely, nous en étions à Florian Philippot, son arrivée, son ascension, et comme d'habitude, au Front National, quand on est numéro 2, il y a au bout du chemin, et peut-être vite d'ailleurs, pour certains, la chute. Au Front National, place de numéro 2, c'est la place du mort, très clairement. Et dès lors que le numéro 2 aspire potentiellement à devenir plus ou moins numéro 1, en tout cas qu'il pense être investi de cette mission-là, il est rapidement écarté. C'est ce qui va arriver à Florian Philippot. La rupture entre Florian Philippot et Marine Le Pen, elle va se produire sur deux événements concomitants quasiment, et deux reproches que l'un va faire à l'autre, et inversement. Marine Le Pen, elle a viré, elle a exclu son père, c'est une décision qui est la sienne, mais elle a été quand même considérablement influencée par Florian Philippot. Florian Philippot, il l'a poussé à se débarrasser de Jean-Marie Le Pen. Il a toujours tout fait pour qu'elle vire Jean-Marie Le Pen. Et ça savait d'ailleurs, et ça savait, ça se voyait. Ça se voyait, il l'assumait quasiment. Et cette décision, finalement, elle va avoir du mal, elle, à l'assumer, à la digérer, y compris personnellement. Et ça se comprend d'ailleurs, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, et aujourd'hui encore, elle n'a pas digéré cette décision et les conséquences de cette décision. Et de façon sibylline, elle en fait plus ou moins le reproche à Florian Philippot, façon aussi, elle d'ailleurs, de se dédouaner, c'est-à-dire qu'elle a le sentiment peut-être que Florian Philippot l'a incité à aller trop vite, trop fort, trop loin. Et puis, de son côté, Florian Philippot, lui, il est effondré au spectacle du débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quand il voit l'incompétence flagrante de Marine Le Pen qui éclate aux yeux de 20 millions de téléspectateurs, quand il la voit se noyer dans ses fiches, faire ses simagrées, ses ricanements, ses rictus, etc. Il est totalement effondré. Il se rend compte qu'en fait, tout le travail qu'il a fait depuis 2009 et depuis qu'il a essayé de la professionnaliser et d'en faire une vraie, quelqu'un aspirant à assumer des responsabilités au niveau national, eh bien, a échoué. Il voit que c'est un échec et ça, ça va le décourager profondément. Et dès lors, la rupture, en fait, elle est entérinée au soir du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle. Florian Philippot, finalement, désespère de jamais voir Marine Le Pen progresser. Il la considère trop faible ou trop incompétente à ses yeux. Et donc, il va décider de prendre ses distances. Ça veut dire que quand même, contrairement aux autres numéro 2, il n'est pas viré, lui. Il se vire aussi, enfin, il part aussi. Il n'y croit plus. Foncièrement, donc il n'est pas complètement viré, il part aussi. Voilà, foncièrement il n'y croit plus. Alors en même temps, comme d'autres numéros d'avant lui, par exemple Bruno Maigret 20 ans avant, il avait aussi bâti au sein du Front National son clan, hein, son réseau, ses amis. Et il fonctionnait beaucoup en courant et avec beaucoup de gens qui servaient ses intérêts à lui avant de servir ceux de Marine Le Pen. Mais quand il voit l'incompétence et l'échec de Marine Le Pen, c'est vrai que il se décourage et il considère en fait, ce qu'il pensait, je pense d'ailleurs en filigrane déjà depuis quelques années, qu'il est meilleur qu'elle. Voilà, au fond de lui, Florian Philippot, c'est quelqu'un qui, je pense, se dit finalement pourquoi continuer à perdre mon temps et à servir quelqu'un d'aussi nul alors que je suis meilleur, je suis plus compétent. Ce qui fait que elle, de son côté, ne le supporte plus, ne supporte plus son ambition, son clan et sa façon de tout accaparer. Et lui ne supporte plus son incompétence à elle, sa nullité, et donc dès lors le divorce est inévitable. Et on en arrive à la fin de la saga, en tout cas la fin de notre saga à nous, cette série de fiction autour de la famille Le Pen et du Front National, maintenant Rassemblement National. Le dernier personnage, et qui est peut-être le personnage de l'avenir, peut-être, c'est Marion Maréchal, qui s'appelait avant Marion Maréchal Le Pen, et qu'on a entendu dans une archive tout à l'heure, où elle disait « Je pars, mais je pars pas, et peut-être que je reviens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'avenir du Rassemblement National passe par Marion Maréchal? Marion Maréchal, sa démarche « Je pars, je pars pas, peut-être que je reviendrai », c'est symptomatique, ça illustre parfaitement le destin des Le Pen. C'est-à-dire que je pense qu'elle essaye de prendre un peu sa liberté, de s'affranchir, d'échapper à son destin, parce que la politique s'est imposée à elle aussi déjà dès sa naissance, dès son enfance, elle a baigné là-dedans dès son enfance. Ensuite, en 2012, au moment des élections législatives, c'est son grand-père, c'est Jean-Marie Le Pen, qui l'a convainc d'aller se présenter aux législatives dans le Vaucluse, y compris d'ailleurs dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen aussi, pour embêter un peu sa fille à lui, Marine Le Pen, ouais. C'est-à-dire de faire émerger une concurrence familiale. Et l'envoyer au casse-pipe, si je puis dire, parce qu'on se souvient de certaines déclarations de Marion Maréchal Le Pen quand elle était candidate aux législatives, où elle ne connaissait pas les dossiers. Enfin, c'était périlleux pour elle. Ah oui, elle a eu le sentiment d'être envoyée en mission par son grand-père. Elle a fait ça par devoir. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a joué de cette corde-là pour la convaincre d'y aller. Et c'était encore une fois aussi pour concurrencer sa fille déjà. Et donc tout ça s'est imposé. Et elle. Ensuite, au sein du Front National, elle s'est retrouvée elle a attisé, et son aura ou son charisme vis-à-vis des troupes du Front National a attisé la méfiance de Marine Le Pen, et elle l'a assez mal vécu, Marion Maréchal. Elle a du mal à s'opposer à sa tante, pour des raisons aussi familiales, parce que sa tante l'a largement contribué à l'élever lorsqu'elle était enfant. Il y a une vraie proximité, une vraie intimité entre elles. Et puis, il y a eu l'affrontement avec Florian Philippot, où elle a eu le sentiment aussi d'être instrumentalisée pour barrer la route à l'ascension de Florian Philippot. Dès lors, elle décide de prendre du recul, de prendre justement de s'affranchir et d'essayer de reconquérir en quelque sorte son destin et sa liberté, avec toujours en filigrane l'idée qu'elle finira par revenir, parce qu'elle a quand même, elle reste une Le Pen au fond, et elle a quand même une mission politique à accomplir, pense-t-elle. La mission d'un journaliste n'est pas de faire des pronostics et de lire dans la boule de cristal. Alors je suis un peu tenté quand même de vous demander, est-ce que Marion Maréchal a le corpus et l'expérience maintenant pour être celle qui portera le flambeau? Je pense que Marion Maréchal, je ne sais pas si elle a le corpus, les compétences, l'expérience, mais je pense qu'elle a un positionnement politique et qu'elle a construit une identité politique qui peut potentiellement en faire quelqu'un susceptible d'être la passerelle dans quelques années. C'est-à-dire que si elle revient en politique, comme il y a quand même de nombreux signes qui semblent l'indiquer, puisqu'elle intervient régulièrement dans le débat public, je serais étonné que ce soit par la porte du Rassemblement National. Je ne pense pas que ce serait en revenant dans le parti, en se présentant à un congrès, en prenant la direction du parti. En revanche, si c'était pour fédérer une sorte de nébuleuse de rassemblement de l'extrême droite et de la droite extrême, voilà, de rassemblement des droites extrêmes, là, pour le coup, elle a un positionnement politique, idéologique et personnel qui pourrait lui permettre de rassembler le Rassemblement National et la droite issue de Laurent Wauquiez, par exemple. Comme on dit, on verra. Merci infiniment. Absolument. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, épisode 4, par ici de la sortie. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Aussire. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Vincent Godard.